pyramide, la crème du 9-20, poteau, Grini capote en MC, scanner, pyramide, pyramide, crew, Grini sort, Grini LMC, click. Pyramide, crew, Grini sort, Grini LMC, click. Oh, est un gagnant, depuis le casse content. Mais les vrais hommes, y'en a plus beaucoup maintenant. Revendeur race, trahis leur pote, pour un peu plus de caillasse. Pour baiser une grosse tasse, moi c'est nid comme nan. Nous sommes pas en Adidas, c'est un pour scanner. C'est un pour discipline, c'est un pour Charmany, c'est un pour Cortez. Ceux qui sont pas d'accord, je baisse le reste. Qu'est-ce que tu fais avec un flingue si t'appuies pas sur la gâchette? Crème du crime, crème du team, pyramide Grini 91 Thierry, ça tu l'auras bien compris. Cam, rap, gorille, plaque, record d'industrie. Spécial dédicace pour mes potos, à ta boîte aussi. J'arrive en force dans le son, alors attention. Beaucoup de mecs m'envoient la pression. Je reste précis et terrible dans mes actions. Indépendant, j'ai signé dans mon propre label musique. Entre galère, gros salaire, plus en trafic. Pas d'inquiétude, attitude négro. Dans le rap, je m'applique. Dans les émeutes, je m'implique. Je suis un baiser de flics. Superstar dans la tête, jeune Black Al Capone. 9-1, Super Thug, OK Smith et Wesson. Juicy P et Mani Jack sur la version. Que des trucs de G côté obscur de l'ambition. On a les mains sales, nettoie les nous au car cher. Forant des escrocs, demande à Cortex et scanner. Les choses se passent à fond dans la banlieue sud. Dans le Clio initial, gangster et l'attitude. Juicy P, tu sais, jeune frère Black. Grinissant le quartier 9-1, tu sais. On fait de la maille sans taper, je vais pas faire un dessin. Des brouillards de naissance, j'attends que t'aies mon putain d'essai. C'est de la crème de Rapza et de Negro. Représente le 9-1 et ses ghettos. Zone de guerre, ça mitraille comme Kosovo. Dans les sommes, finis vite dans un tombeau. C'est de la crème de Rapza et de Negro. Représente le 9-1 et ses ghettos. Zone de guerre, ça mitraille comme Kosovo. Dans les sommes, finis vite dans un tombeau. Charmeur de poisse, beaucoup d'angoisse. Et dans la dope, nos fils froissent. Face à face, assis à table, ramasse les cartes, tout sort las. Passe, transacte liasse et grosse caisse. Braque, les banques et les tiroirs qui est strac. Quotidienne avec la brigade anticriminelle. Frappe quotidienne avec un cocktail et les CRS. De plus en plus, chaque jour, accumule trop de haine. Trop parler peut-être, signer la milice cruelle. 91 sous de sang, crème de criminel. Tellement que Fabio Grail, même le FBI. Macro gang, ça est normal. Ça vient ni graille, mani jack, maestro et lent. Ça doit être sérieux dans le business, tant pis pour la parole d'escroc. La vie nous a pas fait de cadeau, constate l'état de nos chicots. J'ai rien demandé à personne, à part la cagoule, Smith et Wilson. Chipote pas dans l'argent sale, imbécile, lave-toi les mains. Triste entre destin, Evry, Pyramide Grini. Je suis plus Jack Mani, Mat le chromie, comment le manie. J'ai commencé de zéro, aujourd'hui trop de bâtards m'envie. J'suis qu'un jeune débrouillard, les phares éteints dans le brouillard. 26 piges de cauchemar, j'mène une vie de banlieusard. Dans les rues des pyramides, pas d'autre choix qu'un de survie. Obligé de se débrouiller, on nous a rien donné. On est la crème d'une affaire, tu me crois pas, écoute le refrain. C'est de la crème de Rapza et de Negro. Représente le 9-1 et ses ghettos. Zone de guerre, ça mitraille comme Kosovo. Dans les sommes, finis vite dans un tombeau. C'est de la crème de Rapza et de Negro. Représente le 9-1 et ses ghettos. Zone de guerre, ça mitraille comme Kosovo. Dans les sommes, finis vite dans un tombeau.